L'œil sous un ciel de fer, dans une lueur d'avril. Son deuil me rend viril et que mon fiel me rend enfer. À l'ombre d'un cyprès, sous le regard des corneilles, agarré de vermeil, dans le nombre j'étais si près. Des mets à culpa, quelques crachats à de vipères. Moi dans les mois je ne coule pas, et son rachat j'espère devant le calme des graviers. Certains vitupères, hautains lui si vous saviez, mais que son âme le récupère. Entre le marbre et leurs bottines, un léger vent croisse. Les arbres tels des parois sont enneigés de nicotine. À l'écart j'assistais aux funérailles, je fistais les traîtres qui braillent. Il était midi et quart, à 10 mètres l'entourage, ses camarades, une belle murette, la tête froide, il y appelle l'urette. Qu'il garde courage dans l'assistance peu bavarde, des chemises noires et peines, des déboires, des remises de peine. Je prends distance et regarde le craquement des pas, des quelques retardataires. C'est uniquement à son trépas que je vis leur vrai caractère, leur claquement de doigts, rude, mal évalué, quand des attitudes saluées, leur manquement comme il se doit. Au nom du Seigneur, trois poignées de sable, que son futur soit meilleur. Éloigné du diable, des prières, des alouettes, peu de nuages, mais des rayons, moi en marge sous un crayon. Dernière lumière d'une silhouette, le soleil au zénith. J'étais sans doute témoin du doute et de cette foule. Une goutte d'eau bénite, très loin des fourbes de l'oseille. On a poursuivi nos richesses, on a mis toutes vos courbes à chaise, suivi avec soin des conseils. Le soleil au zénith, j'étais sans doute témoin du doute et de cette foule. Une goutte d'eau bénite, car c'est ce gamin espiègle. Un cycle que je commémore, sous ma main c'est son quart de siècle. À l'article de la mort, dans la primeur d'une saison, qu'il revienne bien de l'enterrement. Combien se souviennent entièrement de lui, rimeur de raison. Étant alter ego, j'ai vu un temps à la vierge, peu de cierge mettant de mégots. Attiser sa gamberge, on a vu sur la falaise émerger l'étoile du berger, traumatisée par un malaise. Quand elle nous hébergeait sous le voile de l'adolescent, ferme et irrité, parfois l'obscurité renferme un cœur fluorescent. Des allées marines au QG, on discutait d'empire, percutait peu sur le sujet, dans les narines que des soupirs. Persécuté dans cet univers ambigu, tant de faux plans à réfuter comme autant de vers de ciguë. On a futé très tôt la plume, sous les choguettes, entre le marteau et l'enclume. Souvent les taux nous guettent, et il me disait constamment que les siens, les vrais, sont ceux qui l'ont vu se livrer bien avant son testament, timoré, faussement prétentieux. Ce printemps me remémorait nos 20 ans, nos vrilles, nos contentieux. Pour des broutilles, on s'embrouillait, place de la halle, mais parmi les as de la balle, sur nos quilles, on se débrouillait. Des reproches ont crépité sur ses brindilles, sa famille, ses proches ont fait palpiter, ça c'est dit. À l'heure où les valeurs succombent dans ces décombres, suis-je fauteur sous une chaleur de catacombe. Je suis l'ombre de mon auteur, le soleil au zénith. J'étais son doute, témoin du doute et de cette foule. Une goutte d'eau bénite, très loin des fourbes de l'oseille. On a poursuivi nos richesses, on a mis toutes vos courbes à chaise, suivi avec soin des conseils. Le soleil au zénith, j'étais son doute, témoin du doute et de cette foule. Une goutte d'eau bénite, car c'est ce gamin espiègle. Un cycle que je commémore, sous ma main c'est son quart de siècle. À l'article de la mort.